Bienvenue à Méloman, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM, ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 13 juillet 2016 de Méloman. J'espère que vous avez passé une belle semaine depuis notre dernière rencontre, même si, disons, que l'été n'a pas l'air pressé de se montrer trop, à part aujourd'hui, bien sûr, mais bon. Dernière rencontre qui nous a fait explorer les années 80 pour une deuxième fois à l'émission. Mais ce soir, vous vous en doutez, on est encore une fois très loin de la semaine passée. Écoutez, on fait beaucoup de spéciaux ces temps-ci tellement qu'on en oublie presque de se donner une petite liberté avec des beaux variés comme on les aime. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire ce soir. Tout simplement, un beau mélomane varié format classique qui tire vraiment dans toutes les directions. Et comme on a un gros programme ce soir, on va commencer ça tout de suite avec justement une pièce qui nous donne le ton, qui nous prouve une fois de plus qu'on peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer. Même moi, je suis surpris par moments. On passe ça tout de suite avec une légende. On écoute Miles, 99 ans, CFNJ. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. Quand sur la plage tous les plaisirs de l'été avec la joie venaient à moi de tous côtés. L'amour offrait de la plage ensoleillée. C'est bien dommage, mais les amours de l'été bien trop souvent 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et Babe Ruth, qu'on vient d'entendre, bien sûr. Le groupe anglais, évidemment, pas le fameux joueur de baseball, duquel le groupe a pris son nom, évidemment. Avec le gros classique The Mexican de 72, une pièce qui est reconnue pour citer, entre autres, le thème de For a Few Dollars More, pour quelques dollars de plus avec Clint Eastwood, un thème du grand Ennio Morricone, les fameux Western Spaghetti. On a aussi entendu la magnifique Marie Laforêt avec La Plage de 1964, un très bel air qui avait été popularisé juste un peu avant, la même année, en fait, en version instrumentale acoustique par Claude Chiari, qu'on avait entendu d'ailleurs dans notre sac à surprise il n'y a pas très longtemps de ça. Quoique, le temps passe quand même vite. Et sinon, on est passé du coq à l'âne, allègrement, comme d'habitude, finalement, avec les Stones en 71, avec Can't You Hear Me Knocking, pièce maîtresse d'un de leurs très bons albums des années 70, Sticky Fingers. Un vinyle qui a la mauvaise réputation d'abîmer le reste de votre collection de disques, d'ailleurs, à cause de la fameuse fermeture éclair sur la pochette qui magane toutes les autres pochettes, mais bon, très bon album quand même. Et tout ça amorcé par ce cher Miles Davis avec Seven Steps to Heaven de l'album du même nom en 63. D'ailleurs, un film sur la vie de Miles qui vient de sortir, réalisé, produit et joué par Don Cheadle. Vous irez voir ça, même si les critiques sont un peu mitigées, mais quand même, ça peut être intéressant, surtout si vous ne connaissez pas bien Miles Davis, à connaître. Et nous, ben, on continue, mais complètement ailleurs pour se retrouver fin 70, début 80, avec entre autres les Bee Gees au 99 ans, CFNJ. Let's Let's do it. If it takes all night, come on, baby, let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it right. Come on, honey, let's do it. Let's do it. If it takes all night, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it right. Come on, baby, let's do it. Let's do it. If it takes all night, come on, honey, let's do it. Let's do it. Let's do it. If I j'étais le feu, je brûlerais l'univers. Si j'étais le vent, je l'effacerais. Et si j'étais l'eau, je recouvrirais la terre. En détruisant tout, tout le monde entier. Si j'étais une fleur sous la terre, je resterais. J'étais le soleil, je me glacerais. Si j'étais la neige, de mes doigts je courrais. Pour cacher le monde, tout le monde entier. Il suffirait d'un peu de terre. Pour qu'au milieu des rochers, puisse renaître une fleur. De si peu. Si j'étais le ciel, toujours noir, je resterais. Si j'étais l'étoile, je ne suis qu'un homme, seulement un homme. Mais si j'étais lui, je recommencerais. Mais si j'étais lui, je recommencerais. Toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ avec une magnifique, magnifique chanson de Richard Cochiante. En fait, une de ses toutes premières, un de ses tout premiers succès au Québec en 76, Si j'étais. Il y a aussi une version italienne de cette chanson-là parce que oui, on se doute qu'avec un nom comme Cochiante, il y a de l'italien en dessous de ça. Mais en fait, le père de Richard est italien, sa mère était française, mais fait surprenant, Richard Cochiante est aussi en partie vietnamien parce qu'il est né à Saigon. Donc, vous pourrez dire, vous avez pris ça en mélomane, Richard Cochiante est, on pourrait dire, vietnamien de naissance. Et juste avant ça, les Hollies, qu'on aime beaucoup aussi avec une reprise, en fait, d'Albert Hammond, qu'on avait déjà entendu avec It Never Rains in Southern California. Mais là, c'est la version la plus connue des Hollies en 74 avec The Air That I Breathe, une chanson qui avait un petit peu trop inspiré Radiohead d'ailleurs pour leur chanson Creep de 92. Ils vont se faire poursuivre et ils vont perdre malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir le nom d'Albert Hammond dont on a parlé tantôt, donc dans les crédits de Creep de composition. Bref, la chanson des Hollies qui, personnellement, m'a toujours fait penser aussi un peu à du ABBA, des chansons un peu comme Fernando, nos Suédois préférés ABBA, qu'on a d'ailleurs entendu juste avant dans la première partie du bloc, donc ABBA en 81 avec Head Over Heels, qui va aussi sortir en 45 tours un an plus tard, un petit peu moins connu, mais on reconnaît quand même la touch de Benny et Bjorn, les deux fameux compositeurs en arrière de tous les hits qu'on connaît. Et sinon, le SOS Band avec une chanson que vous connaissiez et que vous n'aviez pas entendue depuis longtemps, pas mal sûr de ça, soit Take Your Time, Do It Right de 1980 pile. Et juste un an plus tôt, pour les Bee Gees, avec Love You Inside and Out, que Feist va reprendre des années plus tard, d'ailleurs. Mais là, du disco du Miles Davis, où c'est qu'on s'en va avec nos skis mélomanes? Eh bien, on n'est pas au bout de nos peines parce qu'on voyage beaucoup ce soir. Pour la prochaine, on se retrouve en 1970 avec un bassiste qui, à ce moment-là, a seulement 17 ans. Vous porterez attention à ça. Le groupe Free, qu'on connaît plus pour le succès All Right Now, mais nous, on les écoute ici avec l'excellente Mr. Big, 99 ans, CFNJ. To be. So Mr. Bigger, life. I am the purity in your magnesite. The old man's gaze holds on the young and true. the fires of hell. Hell will take you to death await you. Oh, people, can you hear me?

chaîne verte au bord de la Bijou. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et encore une fois, une magnifique chanson « Au bord de lac Bijou » de Zachary, bien sûr, en 96. Tiré du fameux « Cap enragé », facilement un des meilleurs albums, un des albums les plus importants de sa discographie de Zachary Richard, bien sûr. Même si je vous conseille aussi « Bayou des mystères » et « Mardi gras » du début de sa carrière. Et sinon, ben écoutez, tout un voyage. J'espère vraiment, vraiment vous avoir fait découvrir ou redécouvrir Queen sous un autre angle. Parce que Queen, c'était aussi ça, les arrangements spectaculaires. Les voix aussi beaucoup. Comme dans ce qu'on a entendu de Prophet's Song, qui nous vient d'Une nuit à l'opéra de 1975, A Night at the Opera, un album qu'il faut avoir entendu une fois dans sa vie, vraiment dans l'intégrale. C'est surtout cet album-là, par contre, entre autres, qu'il y a Bohemian Rhapsody, mais l'entendre dans son contexte, c'est complètement différent. C'est une chose que je vous encourage à faire. Et sinon, juste avant, une autre pièce avec la longue, une autre expérience, en fait, avec la longue suite de Healer, de Sweet, en 76, un groupe qu'on connaît mieux pour Ballroom Blitz, mais aussi l'excellent Love is Like Oxygen, un groupe qui nous vient de la vague originale de glam, à ne pas confondre avec celle dont on a parlé la semaine passée du glam metal des années 80, plus celle des années 70 avec les David Bowie et T-Rex en Angleterre. Bref, on y retourne avec un bloc très particulier que j'avais vraiment hâte de vous faire entendre, qui là va nous faire voyager plus du côté du nord de l'Angleterre, voire l'Écosse et l'Irlande aussi. Vous allez reconnaître les sonorités celtiques dans ces coins-là. Et on commence ça avec ce qui ressemble étrangement à une chanson à boire. Et oui, avec les bien-aimés Kinks, 99 ans, CFNJ. Thomas is bold, it's a night of bold. But whenever he gets in a bit of a jam, there's nothing he won't do to get to Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get to Harry Rag. And he curses himself for the life he's led, and knows himself a Harry Rag and puts himself to bed. Tom's old ma is a dying lass. Soon they all reckon she'll be pushing up the grass, and her bones might take and her skin might sag. And still she's got the strength to have a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. And she curses herself for the life she's led, and rolls herself a Harry Rag and puts herself to bed. Bless your tax man, bless your all. You may take some, but you'll never take it all. But if I give it all, I won't feel sad, as long as I have got enough to buy a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. And I curse myself for the life I've led, and know myself a Harry Rag and put myself to bed. The smart young ladies of the land can't relax without a Harry in their hand. And they light one up and they boast and brag, so content because they got a Harry Rag. Harry Rag, Harry Rag, do anything just to get a Harry Rag. And they light one up and they boast and brag, so content because they got a Harry Rag. Hey! Harry Rag, Harry Rag, I'll do anything just to get a Harry Rag. And I curse myself for the life I've led, and know myself a Harry Rag and put myself to bed. Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal.

99.1 et 88.9 CFNJ. We'll be right back.

Et donc, on voyage comme ça, tranquillement, au gré du vent, toujours à Mélomane, 99.1 et 88.9 CFNJ. Et ce, partout dans la Naudière, mais aussi partout dans le monde, premièrement, si vous écoutez depuis la plateforme CFNJ.net, qui rend possible l'écoute de n'importe où, mais aussi parce qu'on vient en musique de plusieurs endroits sur le globe, comme le côté mambo des Champs, qu'on connaît beaucoup pour le hit Tequila, mais qu'on a entendu ici avec la très connue Limbo Rock de 1961, la danse officielle du limbo qui fait la joie des chiropraticiens depuis 55 ans. Nino Ferrer aussi, qui dans notre bloc est le premier à nous avoir fait dériver vers le sud en 1975, donc c'était le titre de la chanson « Le Sud ». Et sinon, l'Angleterre rock avec Hot Legs de Rod Stewart dans ses bonnes années en 77, mais juste avant, un beau détour vers l'Écosse avec les Wings de Paul McCartney, toujours en 77, et la très belle Mull of Kintyre qui est ni plus ni moins une chanson hommage, presque une chanson d'amour de McCartney à l'Écosse, où il demeurait depuis plusieurs années à ce moment-là. Et on est resté dans les environs, dans les sonorités, avec Dirty Old Town, une chanson originalement popularisée par les Dubliners, un groupe irlandais. Mais nous, on a entendu la version des Pogues en 85, un des premiers groupes punk à incorporer la musique celtique au punk. D'ailleurs, une mode qui perdure encore aujourd'hui. On a juste à penser à des groupes comme Dropkick Murphys ou Flogging Molly, par exemple. Et tout ça qui a commencé avec la très anglaise Harry Rag des Kinks en 67, qui, comme on disait, est pas sans faire penser à une chanson à boire. Mais là, c'est vers le sud qu'on s'en allait, donc c'est vers le sud qu'on va continuer à se diriger avec une vieille chanson de Bob Marley au 99 ans, CFNJ. Rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking anyhow. Please don't you rock my boat, no, 'cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, oh, can you miss? And you should know, ooh, when I like it this, am I really is? Ooh yeah, you satisfy my soul, morning time, evening cold. By my soul, yes, I've been a-telling you, bake me the sweetest cake, I'm happy inside all the time. Oh, can't you see what you've done for me, yeah? You make me feel like when we bend a new sweepstake winners, yeah. Well, we bend them new corners. We feel like sweepstake winners. And I said, oh, ooh, oh, I like it this. Yes, I do. And you should know. By my soul, darling, make me love you in the morning time, yeah. If ever I treated you bad, make it up to me one time, 'cause I'm happy inside all the time. I want you beside me, other, yeah. And if ever done, you should walk away from me now. You know I need your sympathy, yeah. Can you see it? Do you believe me? Oh, darling, darling. Time any place. Come

On a aussi entendu le Big Bazar de Michel Fugain en 73 avec Chante comme si tu devais mourir demain, chose qu'on devrait toujours faire, qui suivait un gros classique de Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, The Ecology. Une des premières chansons à parler d'écologie, justement, et qui nous vient du fameux What's Going On de 71. Et tout ça qui suivait les Tornadoes en 62 avec Telstar, un classique instrumental du temps des Ventures. Et sinon, une première partie du bloc plus ensoleillé, on était dans le sud avec deux pièces jamaïcaines, soit I Chase the Devil de Max Romeo et les Upsetters, un groupe jamaïcain très, très important qui accompagnait Lee Scratch Perry, et évidemment un groupe encore plus important, Bob Marley et ses Wailers, mais au tout début de leur carrière en 71 avec Don't Rock My Boat, version jamaïcaine d'ailleurs, produite, si je ne m'abuse, par Lee Scratch Perry dont on vient de parler avec les Upsetters, qui va devenir la version jamaïcaine, en fait, va devenir Satisfy My Soul plus tard en version réenregistrée, pardon, pour le marché américain. Donc, quand même plus rare la version qu'on a entendue. Et en sandwich entre les deux, le groupe War, originellement cofondé par Eric Burdon, chanteur des Animals avec Summer, tout simplement une pièce plus latine de 1976. Et nous, eh bien, autant on était en été dans le dernier bloc, autant pour ce qui s'en vient, on va avoir presque l'impression d'être en hiver. Mais attention, ça vaut la peine juste le temps de se rafraîchir en cette soirée chaude. On commence ça avec un groupe que tout le monde connaît, mais assez tôt dans leur carrière, 1971. On écoute Pink Floyd, 99 ans, CFNJ. We'll be right back.

ailleurs, loin des vidanges du diable. Ailleurs, loin des vidanges du diable. Loin des vidanges du diable. ainsi. Thank you. history recalls how great the fall could be while everybody's sleeping. The boats put out to sea, born on the wings of time. It seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cried. We'll be right back. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1. Et un classique de Supertramp pour finir ça, A Fool's Overture, l'ouverture du fou, qui d'ailleurs servait de conclusion à l'album Even in the Quietest Moments de 1977. On a aussi entendu la magnifique Mercy Street de Peter Gabriel en 86, l'album So. En fait, gros succès commercial pour Gabriel qui suivait nul autre que Francis Cabrel en 94 avec Les Vidanges du Diable. Et le lien qui unit Cabrel et Peter Gabriel, eh bien, c'est leur batteur qu'ils ont partagé longtemps, le français Manu Katché. Enfin, un batteur de très haut niveau, très réputé. Mais c'est pas lui qui a joué sur la chanson Mercy Street, pour faire exprès par contre, mais sur la plupart des autres pièces de l'album So. Bref, il y a des petits liens comme ça des fois. Et sinon, un trio improbable, deux pièces de 71 et une de 94, soit Gérard Lenormand avec Il, Plume la Traverse avec une très belle chanson du nom des Patineuses, c'est elle qui nous vient de 94 de l'excellent album Chanson Nouvelle, et tout ça amorcé par Pink Floyd avec One of These Days qui ouvrait l'album Middle. Et c'est déjà ce qui conclut l'émission de ce soir. J'espère encore une fois que vous avez eu du plaisir et que vous avez fait des découvertes. C'était le but. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce qui devrait s'avérer être un cinquième radio pirate, donc mercredi prochain dès 21h sur les ondes de CFNJ. Et donc, sur ce, en vous souhaitant une belle semaine, je vous laisse avec une chanson un peu bizarre d'un excellent groupe. On écoute Une nuit à Paris avec 10cc, 99.1 CFNJ. say good in the sack. I was a store girl on the Champs-Élysées. He was a gendarme in the gendarmerie. Going ooh la la la, ooh la la la la. He was a